Le 11, selon la radio sud-coréenne MBC, la Fondation pour la commémoration du 18 mai de la Corée du Sud s'est engagée pour empêcher la vente des mémoires du traître Chun Doo-hwan, qui a nié ce qui s'est passé lors du massacre à Gwangju.